À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Potsombo, le spectacle de poésie et de chant des ouvriers et des syndiqués a eu lieu le 2 juin au Palais central des ouvriers à Pyongyang. Y ont pris part les cadres intéressés, les syndicalistes, les ouvriers et les syndiqués.